Dis papa, que t'aimes si. Excuse-moi mon enfant, faut pas avoir eu autant de succès que Mick Jagger. D'avoir cru pouvoir changer le monde en ton miel et finger. Le succès je l'ai palpé, dans mes rêves effleurés. Peut-être que lorsque t'écouteras ce morceau, ça aura changé. Pour l'instant je ne suis qu'un simple rappeur underground. Mais je remplirai ton ventre jusqu'à ce que tu deviennes grande. J'aurais peut-être pas les moyens de te faire faire le tour du monde. À tes 18 ans t'offrir un appart en plein centre de Londres. Car je fus convaincu que faire gros cul finissait par payer. Que veiller pour ses droits c'était mieux se faire payer. J'ai dit plus de mots que je n'ai touché de francs. Pour atteindre le succès, j'aurais dû prendre un peu plus d'élan. Être un peu plus galant avec tous ces ringards. Ne pas m'obstiner à prendre l'indépendance comme rempart. Ouais. J'ai voulu peut-être trop tout faire par moi-même. Mais tu peux être sûr d'une chose, c'est ton papa d'aime si t'aimes. Je sais que t'aurais voulu montrer les disques d'or de papa. Mais mes discours m'ont fait tomber dans un sacré appât. Je les ai pas, mais ce que je peux te donner n'a pas de prix. J'ai dit quand maman chaud et sûre de me battre avec une scie. Aujourd'hui les scies malgré, j'en ai mais pas de regrets. Car je n'ai jamais fumé ni sniffé de poudre couleur craie. J'ai vu des mecs amers devenir aussi sucrés qu'un caramba. Le mot artiste ne découle pas du mot art. De tout ça je te parle, mais la musique n'est qu'une passion. Te voir grandir, t'épanouir, c'est mieux que 10 000 pifetons. Vite au pont du Viton, ou des vestes en bison. Et qui sont nos rimes, c'est ce que nous tous, nous nous disons. Je croyais que la musique n'était pas liée aux chiffres ni aux affaires. Mais nous étions des produits dont redevables d'un bon chiffre d'affaires. Je voulais voir s'éloigner de la mort tous mes rats. Mais c'était pire qu'attendre une goutte d'eau en plein désert du Sahara. J'ai trop cru que la morale était une affaire orale. On était unis comme une chorale, comme un alcoolique et le collal. Chaque minute de ma vie, je suis ravi de pouvoir te ravir. À tous ceux qui détestent les échelons, te les voir gravir comme un navire. J'espère arriver avec toi à bon port, comme des accords de guitare. J'espère être avec toi en accord, même si je le fus par simple conviction. Additionner la colère et l'amour, créer de drôles de sensations. Une chose pour laquelle tu peux être sûr, c'est que pour toi ton papa d'MC pourrait affronter un mur. Papa, que t'es Un MC, un maître de cérémonie. Ah, un MC, c'est un maître de cérémonie.